Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Notre rendez-vous mensuel, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un vieil ami, on va dire comme ça. Merci pour le vieil ami. On n'a pas d'âge. Denis, toujours fidèle sympathisant du MAN, entre autres choses. Ah oui, et puis d'Oxfam aussi. Enfin, Oxfam est une association que j'ai en haute estime et je le dis à chaque fois. Bon. Oxfam, c'est pour moi l'expertise associative au service de la justice sociale. Oh là là, rien que ça. Bon, eh bien, écoute, aujourd'hui, on est le lendemain du 10 septembre. Et pour le coup, je t'ai invité aussi parce que fallait-il y aller. Ah oui. Combien étions-nous, étiez-vous, parce que entre ceux qui avaient une bonne excuse pour ne pas y aller, ouais, ceux qui étaient motivés, il y a toute une marge. Le 10 septembre, c'est un mouvement inédit. Et il faut d'abord insister sur la question de la préparation. À Nancy, la préparation avait lieu à 3 assemblées générales avant le 10 septembre, chaque mercredi à 18h, à Vendeuvre, sur le marché couvert. Et il y avait à chaque assemblée générale de préparation entre 100 personnes et à la dernière assemblée générale avant le 10 septembre, 300 personnes. Pour résumer les choses, pour moi c'est un début. Nous étions en parfaite non-violence sur Nancy. Apparemment, il y aurait eu quelques incidents sur Paris, mais à Nancy, on était dans une mobilisation. Le trajet était très surprenant. On partait de Vendeuvre jusqu'à la place Stanislas, donc un trajet long pour une manifestation. 1500 au départ, 3000 à l'arrivée, avec un moment de jonction à la place des Vosges, musical, festif, etc. etc. Ouais. Alors, moi, j'ai relevé quelques éléments dans la manifestation. On avait fait un atelier carton avant. Hein. Ouais. Donc, si tout devient privé, on sera privé de tout. Mes services publics ne sont pas à vendre, qu'on pouvait lire sur un carton. Privé, privé de tout. J'ai appris cette phrase dans les années 2000-2003. Ouais. Lors de ma formation d'animateur socioculturel. Ben oui, les services publics sont extrêmement attaqués, mais les services publics, c'est la base de la justice sociale en France et de la redistribution. Là, on avait le fric au service de l'humain, pas l'inverse. Okay. Donc, c'est ce que dit Oxfam. Ouais. Pourquoi le cadavre de vos idées empoisonne encore le monde, ça c'est... Okay. Voilà, il y avait énormément d'imagination dans le... Puis pour la fin... télétravail pour les CRS aujourd'hui, tu vois. Voilà. Okay. Y avait de l'humour. Okay. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était une connotation très antifasciste. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de jeunes. Et le slogan qui était le plus dit, c'était « Siamo tutti antifascisti ». Et ça, c'est très, très, très fort dans les manifestations actuelles. On les retrouve le 8 mars. On le retrouve le 22 mars, avant l'été. Et donc, la connotation antifasciste était très, très, très importante dans cette manifestation. C'était le gros doute, à mon avis, chez Oxfam, parce que ce mouvement sortant de nulle part très tôt, même fin juin, début juillet, on voyait que ça pouvait avoir annoncé, par exemple, regrouper les antifas. Et dans ce cas-là, t'as les FA en face. Enfin, voilà. On ne savait pas. Oxfam, à mon avis, à Paris, ne savait pas où est-ce qu'il fallait mettre les pieds. Maintenant, pour avoir vu la page Instagram de notre directrice, qui était sur différents médias. Oui. Effectivement, elle a fait référence aux Gilets jaunes, et on a entendu ça aussi dans les grands médias. Parce que si on n'est pas brutaux, c'est ce que disait Cécile, il ne se passera rien. Bon. C'est une phrase... effectivement, les Gilets jaunes ont quelque part gagné quelque chose en étant brutaux, en étant vraiment vent debout, pour le coup. Et là, une manifestation joyeuse, créative et gentille, entre guillemets, hein, avec tout le respect, donne une autre lecture, bien sûr, non-violente, c'est la base. Et après, voilà, il y a... C'est ces histoires de rapport de force et ces histoires de... Est-ce qu'en France, la rue continue à gouverner vraiment? C'est des questions de fond. Et après, je terminerai là-dessus, côté Oxfam, je vois bien qu'il y a toujours cette histoire de sortir du débat franco-français. Ah oui. Et on va parler tout à l'heure d'autres appels à manifester, puisque tu as repéré aussi que Oxfam appelle à manifester à d'autres moments de ce mois de septembre. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi ce télescopage avec les syndicats qui ont fait un appel à... au 18. Oui, au 18 septembre. Donc, il y a le 18 septembre. Oui. Il faudra y aller le 18 septembre, mais ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'il y aura une partie des gens qui sont mobilisés le 10 qui iront le 18. Mm-hmm. Mais moi, j'insiste sur ce qui s'est passé le 10 septembre. J'ai vu beaucoup de jeunes. Ouais, ces jeunes étaient très antifascistes. Pour l'instant, dans la festivité. Ouais, okay. J'ai beaucoup d'admiration pour Cécile Duflo, qui était d'ailleurs l'invitée du mouvement pour une alternative non violente à un forum qu'on a fait sur Nancy. Nous étions ensemble, oui. La brutalité ne veut pas dire la violence. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur la non-violence. La non-violence, c'est ce qui s'est passé hier à Nancy, dans un rapport de force citoyen classique. Et festif, dans la rue, avec une mobilisation déclarée, Sud Solidaire a déclaré le trajet, etc. Personne n'a cherché à aller ailleurs que dans le trajet, bon, voilà. Mais la non-violence, c'est aussi la question du rapport de force. Et là-dessus, Cécile Duflo a raison, parce que, Oxfam, vous êtes bien placé, vous avez étudié les riches et la manière dont les riches voulaient garder leurs privilèges. À un moment donné, il va falloir instaurer un rapport de force. Et le rapport de force n'est pas forcément la violence. Mmh. La non-violence propose, et Cécile Duflo le sait, Oxfam le sait, et Le Man est là pour former les citoyens là-dessus, la non-violence propose des systèmes de rapport de force qui peuvent être extrêmement efficaces sans avoir recours à un affrontement classique avec les CRS. Quoi. Mmh. Ok, je partage, il n'y avait pas de souci. Oui, on va peut-être marquer un petit break et puis on reprendra avec une actualité du mois de septembre et un peu plus tard aussi. Oui. Pendant qu'on se promène, l'enfant pour 5 francs la semaine vient broder des survettes pour l'homme blanc qui golfe en voiturette, un sale temps sur la planète. Drôle, drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Chercheur contre nature, truqueur sur l'honneur et qui jure. Faut pas que ça vous inquiète, j'ai bien connu l'animal mort dans votre assiette, un sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. À la tribune, menteur amassant la fortune, grimpeur dans la tempête, rien que des doses d'eau claire au fond de la musette, sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps. Pas de témoin une fois de plus, le monde sourd, bien entendu. Cendrillon tombé d'un coin du Sahel, perdu sur un bout de papier, me lance un appel et dessus elle dit c'est où exactement, c'est où exactement la tour de Babel. Son fils qui lui fait la tête et lui qui court acheter le fusil et les fléchettes, sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. tendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Pendant qu'on se promène, l'enfant pour 5 francs la semaine. Chercheur contre nature, bien caché derrière. Hello Oxfam, sur Fadjet, avec le groupe local Oxfam Nancy. Donc Denis, sur notre propos de septembre, avant de poursuivre, il y avait quand même... Tu sais qu'Oxfam porte la fameuse taxe Zucman. Hein, ah oui. Bon, c'est vrai que notre place est là avant tout, de faire bouger les lignes à haut niveau, et c'est bon, et au niveau de la Confédération. Et c'est pour ça que... Bon, la rue, on l'entend, et des collègues, amis de groupes locaux à travers la France, ils sont allés, je te rassure. Oui, bien sûr. Non, mais pas de jugement. Et on va finir sur la question du 10 septembre. C'était tellement étrange dans l'appel que ça pouvait aussi bien basculer du côté de la droite extrême et complotiste même. Et donc, après, il y a eu d'autres appels qui ont amené des corrections, et les assemblées générales prouvaient un glissement à gauche d'une manière très très claire. Donc, à gauche, pour moi, ça veut dire pour la justice sociale, et en particulier pour la taxe Zucman, dont on verra bien le prochain gouvernement ce qu'il va en faire. Bon, mais ça, on est pas scintillé à cette heure-ci. Mais bon, ça avance. C'est ça le plaidoyer, c'est mettre toujours plusieurs fers au feu, de toute façon. Ouais. Oui, donc, appel à manifester aussi en septembre à l'appel des syndicats. Et Oxfam, à nouveau, a une position assez intéressante parce qu'ils sont aussi bien à l'aise avec la CGT qu'avec la CFDT. Puisque CFDT, c'est avec le pacte de pouvoir de vivre, et puis avec la CGT, une autre plateforme où il y a également une soixantaine d'organisations qui s'appelle, sauf erreur, Plus Jamais Ça. C'est ça, ou... Plus Jamais Ça. Ouais. Bon. Oui. Donc notre chère Cécile sait très bien aller des deux côtés, des deux centrales. Et puis il faut aussi reconnaître qu'une fois, je me rappelle de ça il y a quelques temps en arrière, nous nous étions fait traiter de syndicalistes en tant qu'Oxfam. Donc, la boucle est bouclée. Notre place est bien du bon côté de... Moi, j'ai quelque chose à te dire là-dessus. Le mouvement associatif, comme ce qu'on appelle la société civile, son grand pouvoir, c'est de pouvoir parler à tout le monde. Oui. Et j'allais dire aussi bien à la droite qu'à la gauche, à tous les syndicats, à tous les partis politiques, parce que la société civile, elle a aussi son agenda sur la justice sociale, on l'a dit, sur l'antiracisme, l'antifascisme, qui devient quand même une urgence importante, sur les questions écologiques, parce que il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, qui ai animé les marches pour le climat. Oui, l'Alternativa est bien présent encore. Eh oui, le 10 septembre, il y avait très peu de slogans écologistes. À un moment, il y a eu « on est plus chaud que le climat », mais ça a duré sur une manifestation de 4 heures, ça a duré 5 minutes. Ouais. C'est-à-dire que les slogans, ils étaient centrés sur la justice sociale et sur l'antifascisme. Donc, c'est à nous, société civile, qui avons une réflexion écologiste, de porter cette immense chantier qu'est la question de la transition, non pas énergétique, mais la transition écologique, la bifurcation écologique de nos sociétés. Ouais. Bon, autre temps, autre planète et autre guerre aussi. Hein. C'est ça qui affole aussi les têtes. Clair. Et il ne faut pas se tromper de débat. Hein. Ah oui, tout à fait. Il y a eu un déplacement des urgences avec la guerre en Ukraine. Un déplacement aussi des revendications humanistes avec ce qui se passe à Gaza et la question Israël-Palestine. Mais l'écologie reste aussi un, comment on va dire, un phare. C'est-à-dire que, de toute façon, nous, ça doit indiquer la direction des politiques publiques. Des comportements. Et des comportements. Simplement, okay. Notre monde a été rendu complexe par, effectivement, l'émergence de la guerre en Europe, ce que nous n'avions pas prévu. Personne, même ceux qui connaissaient bien Poutine, pensait qu'il allait passer à l'acte au niveau militaire. Et forcément, les questions écologiques en ont été transformées. C'est-à-dire que c'est un peu parti de nos têtes dans la question de la priorité. Okay. Il faut que ça le redevienne. Écoute, on va revenir au niveau local. Oui, bien sûr. Parce que dans cette partie, on voulait évoquer donc, ce mois de septembre. Donc, avec le 18, cette manifestation... Enfin, cette syndicale, oui. Invitée à manifester la CFDT, principalement à la manœuvre, je pense. Et puis, donc, tu as repéré aussi que Oxfam a, donc, le bureau à Paris a assisté à une réunion nationale avec une manifestation sur le site Oxfam. D'une manifestation par rapport au climat. On est appelé à rejoindre un mouvement le 28. Donc, c'est le 28 ouais, voilà. Oui. Au niveau de Nancy, quand j'entends parler des grandes villes comme Johannesburg, Londres, ou autre, bon, bah, ça c'est la Confédération qui est à la manœuvre pour essayer qu'en tout point de la planète, il y ait des prises de conscience. Oui. Pour Oxfam France, finalement, nous, la rue, on connaît bien. C'est un marqueur français, très français, de plaidoyer dans la rue. Donc, bon, le 28, on va voir. Peut-être que cette manif sera uniquement à Paris, Lyon, Strasbourg peut-être, oui. Mais à Nancy, Parce qu'on voit quand même la difficulté d'organiser des manifestations. S'il y a une confusion dans ma tête entre le 20 septembre et le 28, ce n'est pas pour rien. Hein? C'est parce que le 20 septembre, à Bure, on prépare une manifestation anti-nucléaire depuis 6 mois. Et donc, une mobilisation comme celle qui est importante le 28 septembre, il va falloir, s'il y a quelque chose sur Nancy, se mettre dardard à la préparation. Mais on a des agendas qui sont extrêmement courts. Hein. Autant pour moi, 28 ou 27, hein, parce que c'est samedi, dimanche, je ne sais pas. Bon. En tout cas, le groupe local de Toulouse a alerté le siège, avait l'info, ouais, comme quoi ça bouge de partout. Et Oxfam France a dit, OK, celle-là, on veut bien y aller. Quoi. Alors, moi, il y a quelque chose là-dessus que je voulais dire, même si Oxfam n'a pas été complètement dans la boucle, c'est le film « Le vivant qui se défend ». Oui. Qui est projeté par une douzaine d'associations écologistes, dont le MAN, c'est le mardi 23 septembre à 20h au Caméo Commanderie. Important, à noter. Parce que c'est le film de Vincent Vierza, qui est sorti d'un burn-out militant par la contemplation de la nature. Et c'est un grand influenceur, on va dire, alternatif, Vincent Vierza, hein, très centré sur l'écologie, mais aussi tous les thèmes qui bon. Sont portés par Oxfam. Quoi. Bien. Bah, écoute, le temps passe. Pour terminer, on va dire avec nos amis de Fadjet, nous serons ensemble à la rentrée des associations, on va dire comme ça, à Nancy. Justement, toujours pareil. C'est le 27. Samedi 27 septembre, place Carrière. Et pour le coup, nous autres Oxfam, on va être rangés du côté des sportifs. Ah, bon, ah bah oui, parce que bah vous oui, avez parce couru. Qu'on a notre super trail qui revient à Nancy 3 fois de suite. Alors, ça y est, la ville nous a identifiés comme des super marcheurs. Bah écoute, nous, pour croiser les publics, il n'y a pas mieux. Donc, mais c'est pas mal, on ça. On est très contents. C'est pas mal d'ouvrir aussi ouais. à des gens qui, a priori, n'ont pas une attirance pour les mouvements associatifs. Ah oui, ils marchent avant tout, mais ouais. Ils se font plaisir et un peu de mal. Ça conscientise aussi beaucoup. Ouais. Une équipe de 4 qui est dans le dur à bout de 70 bornes. J'ai vérifié, c'est sympa. Ah ben, merci Denis. Eh ben, merci. À bientôt, et puis, une autre fois. Merci pour l'invitation et au plaisir de vous retrouver dans une des initiatives dont vous avez entendu parler dans cette émission. Complètement. Au Caméo, par exemple. Par exemple, le 23 septembre. Bye bye.